Vous écoutez Futur Simple, toujours sur CKRL 89.1, et on va rester dans le domaine de la nature, mais en se concentrant sur les plantes et plus particulièrement sur la flore nordique. Jacques Caillouette, qui est botaniste, chercheur à Agriculture et Agroalimentaire Canada, vient d'écrire un livre qui s'intitule « À la découverte du Nord, deux siècles et demi d'exploration de la flore nordique du Québec et du Labrador », un livre qui vient de paraître cet automne aux éditions Multimonde. Et pour nous parler de cette exploration, Jacques Caillouette est avec nous au téléphone. Bonjour, Monsieur Caillouette. Bonjour. Il me semble d'ailleurs que vous êtes en direct du Salon du Livre de Montréal. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. C'est au congrès de l'Association des biologistes du Québec. Okay, Québec. OK, j'avais mal compris. Le titre parle de découverte et d'exploration, donc en mettant les pieds dans ce qui allait être, dans ce qui allait devenir le Québec et le Labrador. Les Européens avaient en fait tout un territoire à découvrir. Des explorateurs se sont succédés. Ils ont récolté des plantes, consigné leurs observations. On ne les passera pas tous en revue, mais je vous propose de retracer les grandes étapes de cette exploration du Nord, en commençant peut-être par les Moraves, qui semblent avoir joué un rôle particulièrement important? Oui, exactement. Oui. Les Moraves, vous voyez-vous, faisaient partie d'une division, si on veut, d'une église protestante. Puis dans leur mœurs, si on veut, on s'intéressait aux sciences naturelles dès le jeune âge. Et on... c'est comme ça qu'on a récolté un peu partout où il y avait des missions, des oiseaux, des plantes, des insectes. Et on les faisait identifier par des spécialistes en Europe et aux États-Unis. Mm-hmm. Alors, nos premières plantes ont été récoltées au Labrador en 1765. Ah, donc ça a commencé, ça fait quand même longtemps quand même. Oui, exactement, oui. Et puis, ça s'est poursuivi. Il y a eu au moins plus que deux douzaines de missionnaires, hommes et femmes, qui ont récolté des spécimens. Mm-hmm. Et nos premières plantes boréales, en fait, ont été décrites par des botanistes européens à cette époque. Alors, leurs travaux sont très importants parce que ça nous permet de reconnaître les débuts de notre flore. Oui. Puis c'est intéressant, d'ailleurs, c'est curieux, ces Moraves, donc, n'étaient pas des gens qui étaient arrivés pour s'installer au Canada. Donc, c'était vraiment des missionnaires qui venaient d'où... Quand on voit les noms, ça sonne allemand. Ça n'a pas l'air d'être ni des Français ni des anglophones. Exactement. Les premières générations étaient surtout originaires d'Allemagne ou des pays voisins, mais après ça, c'était surtout des Anglais d'Angleterre. D'accord. Oui. Et alors, à la fin donc du 19e siècle, le Canada devient une nation souveraine et veut connaître son territoire. Donc là, il commence à y avoir des expéditions de reconnaissance, notamment, par exemple, par la Commission géologique du Canada, qui entreprend des explorations, oui? Oui, exactement. Et c'est ça, on était à la recherche de ce qu'on appelait des richesses naturelles à l'époque. Mais mm-hmm. En fait, les observateurs du temps, ceux qui travaillaient pour cette commission géologique, ils récoltaient de tout, hein, des plantes, des roches, des minéraux, des insectes, des oiseaux. Et puis ça a fait vraiment une partie importante de notre patrimoine qui a été étudié à ce moment-là. Donc tous ces botanistes finalement qui ont parcouru le nord du Québec et du Labrador, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ramassaient des échantillons, ils écrivaient, est-ce qu'ils consignaient leurs observations dans des articles, dans des écrits? Il y avait des rapports à chaque année. La Commission géologique du Canada faisait des rapports à chaque année. Il y avait des appendices à ces rapports-là. Alors, on retrouve des listes de plantes, des observations d'oiseaux, des mm-hmm. listes d'insectes qui étaient vérifiées par des spécialistes. Et aussi, le musée des sciences naturelles était dépendé à ce moment-là de la Commission géologique. Alors, il y avait déjà un musée pour reconstituer toutes ces récoltes de spécimens de sciences naturelles. Mmh. Et plus tard, les Québécois eux-mêmes se sont intéressés à leur territoire, donc et ont participé à cette exploration. Quand est-ce que ça a commencé et comment? Ben, les Québécois francophones, ça a pris quand même pas mal de temps. C'est allé, je dirais, au début des années 30, là, mmh. Jusqu'aux années 60. Avec l'abbé Lepage, avec le père Dutilly, on a eu Jacques Rousseau, qui est bien connu, qui ont contribué à l'exploration du nord d'ici. L'abbé Lepage, il déplorait le fait que les Américains avaient fait des découvertes dans les montagnes de la Gaspésie bien avant que les Québécois s'y rendent. Ouais. Alors, il s'était dit, il faut qu'on aille dans le nord avant que les Américains fassent la même chose. Oui, puis c'est curieux, vous avez parlé donc des Moraves qui étaient bon, des missionnaires, mais là, à nouveau, ce sont des religieux qui entreprennent cette exploration avec l'abbé Lepage, Marcel Blondeau, peut-être d'autres. Oui, exactement. Oui, c'est ça qui est intéressant dans ce domaine-là, c'est que plusieurs religieux ont été impliqués dans les différents moments. Parce que dans le fond, une fois qu'ils étaient en contact avec les Inuits, avec les Amérindiens, eh bien, ils en profitaient souvent pour faire des récoltes, puis développaient un intérêt pour les sciences naturelles. Mm-hmm. Alors, le père Dutilly avait été nommé naturaliste des missions de l'Arctique. Alors, mm-hmm. Vous voyez, mission et naturaliste dans le même titre. Ouais. Et ensuite, les universitaires aussi se sont intéressés quand même au Nord. Bon, je pense ici à Québec, peut-être Louis-Edmond Hamelin. Exactement. Oui. Il y a eu les institutions gouvernementales qui ont fait des travaux. Il y a eu toutes les universités, l'Université McGill, l'Université Laval, l'Université mm-hmm. Sherbrooke, l'Université de Montréal. Évidemment, le Centre d'études nordiques est un incontournable avec ses projets multidisciplinaires dans le Nord. Avec les travaux de Serge Payette ici, oui. qui vient de publier le premier volume de la flore nordique. C'est vrai. Alors, toutes ces contributions-là récentes, ça a contribué à la récolte de milliers de spécimens qui servent justement à l'étude de la flore nordique qui est en train de se faire. Mmh. C'est ça, parce qu'en fait, donc, cette exploration a commencé, vous l'avez dit, au 18e siècle, mais oui. Elle se poursuit, il y a toujours des expéditions, des explorations qui sont faites pour continuer d'acquérir des connaissances. Oui, exactement. Mais là, on fait face à la problématique actuelle. C'est que là, on parle beaucoup du Nord en termes de développement. Oui. Il faut trouver un équilibre entre le développement et conservation de la nature. Alors, les travaux, maintenant, doivent se faire en concertation. L'intérêt, si on veut, économique et aussi les connaissances des richesses, des ressources naturelles. Pas toujours évident, mais justement, au congrès de l'Association des biologistes, c'était le thème de ce congrès. Mm-hmm. Comment concilier ce développement durable et conservation de la nature. Mais il y a des efforts qui sont faits. Je pense un bon avenir à considérer dans ce domaine. D'accord. J'aimerais aussi que vous me disiez, parce que au cours de toute cette exploration, les botanistes ont récolté beaucoup d'échantillons, des spécimens qui sont maintenant étiquetés, rangés dans des herbiers à différents endroits, dans les universités par exemple. J'aimerais que vous me disiez la valeur de ces échantillons, de ces spécimens et comment on en tient compte, comment ils sont encore utiles dans la recherche qu'on fait actuellement, dans les explorations qu'on fait encore actuellement? Eh bien, pour compiler, pour faire des descriptions vraiment adéquates de matériel pour les flores et pour toutes les recherches scientifiques, ben, ça prend le spécimen. Alors, c'est l'étude des spécimens qui est vraiment importante pour toutes ces études. Et si ces spécimens n'ont pas été récoltés il y a trop longtemps, autrement dit, s'ils sont assez jeunes, et on peut encore aller plus loin et faire des études moléculaires sur ces plantes-là, puis connaître un peu leur génétique. Mm-hmm. Alors, les collections d'herbiers sont vraiment compatibles avec tout ce qui se fait comme recherche nouvelles dans ces domaines. Mm-hmm. Peut-être, est-ce qu'elles peuvent aussi aider à suivre le déplacement des espèces avec les changements climatiques à venir? Est-ce qu'on peut comme ça voir qu'il y a telle époque, que telle plante poussait à tel endroit et que ben, c'est peut-être plus possible maintenant? Est-ce que ça peut amener à des observations de ce genre-là? En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est que maintenant, ça nous prend absolument un constat sur ce qui existe actuellement. Mm-hmm. Peut-être dans 50 ans, en comparant, on pourrait savoir qu'est-ce qu'il y a eu comme changement. Est-ce qu'il y a eu des mouvements de population vers le nord? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles espèces qui sont découvertes? C'est sûr que pour pouvoir évaluer ce qui va arriver plus tard, pas avoir un bon échantillonnage de ce qu'on a maintenant. Oui, il faut prendre... Et, évidemment, c'est un phénomène complexe, les changements climatiques, et c'est pas toujours évident. Des fois, on attribue certains changements au climat, mais c'est d'autres raisons mm-hmm. aussi qui sont impliquées. Mm-hmm. Juste par exemple, on disait que la disparition des lichens pour les caribous c'était remplacé par les arbustes, c'était un effet des changements climatiques. Et je pense que c'est les caribous eux-mêmes qui sont responsables de la disparition des lichens, ouais. parce que les lichens ne sont pas nécessairement remplacés par des lichens, mais ils sont remplacés par les arbustes qui sont ouais. plus envahissants. Oui. Alors, faut faire attention. Là. Oui, il faut se mettre sur le dos des changements climatiques. C'est vrai. En tout cas, ce que je voulais cerner un petit peu, c'était l'importance de prendre des photos de la flore à différentes époques. Exactement. C'est ça, oui. exactement, au cours des siècles. Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur Caillouette. Donc, je rappelle que vous êtes botaniste à Agriculture et Agroalimentaire Canada, auteur de ce livre « À la découverte du Nord, deux siècles et demi d'exploration de la flore nordique du Québec et du Labrador » qui vient de paraître aux éditions Multimonde. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et pour conclure, je dirais que ce livre, c'est une invitation au voyage, et d'autant plus pour nous, pour la plupart d'entre nous, pour qui le Nord reste un territoire inconnu. Alors, ce livre nous fait découvrir le Nord à travers les dizaines de botanistes partis découvrir le Nord.